viens me délivrer sans tarder. Éternel, accours à mon secours. Que ceux qui cherchent ma perte soient confondus. Que la honte recouvre mes poursuivants. Que ceux qui désirent mon mal reculent. Qu'ils soient saisis de confusion. Mais que tous ceux qui te cherchent se hâte-toi pour moi. Tu es mon aide et mon